Femme d'Anner. Comme un bétail pensif, sur le sable, couché, elles tournent leurs yeux vers l'horizon des mers, et leurs pieds, se cherchant, et leurs mains rapprochées, ont de douces langueurs et des frissons amers. Les unes, cœurs épris des longues confidences, dans le fond des bosquets où jasent les ruisseaux, vont, épelant l'amour des craintives enfances et creusent le bois vert des jeunes arbrisseaux. D'autres, comme des sœurs, marchent lentes et graves à travers les rochers pleins d'apparitions, où saint Antoine a vu surgir, comme des laves, les seins nus et pourprés de ses tentations. Il en est, aux lueurs des résines croulantes, qui, dans le creux muet des vieux antres païens, t'appellent au secours de leur fièvre hurlante. Ô Bacchus, endormeur des remords anciens! Et d'autres, dont la gorge aime les scapulaires, qui, recélant un fouet sous leurs longs vêtements, mêlent dans le bois sombre et les nuits solitaires l'écume du plaisir aux larmes des tourments. Ô vierges, ô démons, ô monstres, ô martyrs de la réalité, grands esprits contempteurs, chercheuses d'infini, dévotes et satyres, tantôt pleines de cris, tantôt pleines de pleurs. Vous, que dans votre enfer mon âme a poursuivi, pauvre sœur, je vous aime autant que je vous plains pour vos mornes douleurs, vos soifs inassouvies et les urnes d'amour dont vos grands cœurs sont pleins.